vie entre terre et terre. Je nage dans le Tchernosium. Je fais le tour de tous les sols. Je me délecte de l'humus. J'aime à fendre les permafrosts. Je bouffe les potes. Scrunch, scrunch.